une histoire particulière. Unité de vie familiale, un lieu de liberté, où l'on oublie pour 24, 48 ou 72 heures que l'on est en prison. C'est l'histoire d'un lieu particulier que Johanna Bedeau et Angélique Thibault vous ont présenté hier dans le premier épisode. La mise en place de ce projet hors norme ne s'est pas faite du jour au lendemain et fait partie intégrante de l'histoire des prisons. Discréditées et récusées au nom de la sécurité dans un premier temps, les premières unités de vie familiale ouvrent leurs portes en 2003 au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, ouvrant de nouveau le vieux débat sur la sexualité en prison. Aujourd'hui, pour ce second épisode, nous allons à l'unité de vie familiale de la centrale de Poissy. C'est un trois pièces qui ressemble grandement à un appartement témoin qui donnerait presque l'impression que l'on rentre chez soi, mais il est situé au sein de la prison. À part une fois par mois, là, vous voyez, j'ai pas le choix, je ne vois qu'une fois par mois le VF. En gros, on a droit à une VF obligatoire, on va dire, tous les trois mois, vous voyez. Et moi, comme je n'ai pas demandé à venir ici, vous voyez, c'était à cause d'un mouvement qu'il y a eu, vous voyez, une mutinerie. Dans une autre prison ? Voilà, oui, à la centrale de Valence, j'avais rien à voir, moi, vous voyez. Ils m'ont fait faire du cuit. Et une sorte de punition, ils m'ont éloigné de ma famille. Et ils sont à côté de Marseille, ma famille, ils sont allés voir. Ouais, il va en voiture à la gare de Aix, il a sa voiture au parking là-bas. Il prenait le train jusqu'à la gare de Marne, dans la vallée. Et ensuite le RER jusqu'à ici, jusqu'à Poissy. Allez. Comment tu t'appelles ? Sabelle. Qu'est-ce que tu es venue faire ici ? Voir mon père. Qu'est-ce que tu en penses de la prison ? C'est de la cagagne. Et nous, on vient de Marseille. Le tang ici, il est vraiment cagué. Chez nous, il fait beau. Et ici, il pleut. Il fait froid ici, je veux retourner dans mon pays. Mais bon, ça va ici, il y a un dehors et tout ça va, c'est bien. Et tu fais quoi ? Allô ? Et toi, bon ? Ben, ça y est, on sort du RER. On est à Poissy. Poissy. Assurez-vous de... Ah, ben non, mais... Là, le temps de marcher, avant 11h30, c'est le temps pour rentrer. Ah bon, ben ça va, ben j'arrive, je cours. Allez. Les unités de vie familiale. Johanna Bedeau, Angélique Thibault. Tous les prisonniers de France, dédicace à vous, force à vous. Gardez le moral, un jour vous allez sortir. Moi, je m'en suis bon. J'ai un surnom, on m'appelle Juan. Ouais. Juan, comme mon grand-père, oui. La pauvre qui est décédée, oui. Nous, on est beaucoup famille, oui, madame. J'étais en espagnol, moi. Et quand on prend de longues peines comme ça, à la sortie, il manque la moitié des oncles, les grands-pères, les grands-mères, ouais, on sort, ils sont plus. On passe à côté des meilleurs, les meilleurs moments de la vie. On passe à côté, si on regarde bien, vous voyez. C'est quoi les meilleurs moments de la vie ? Profiter de sa famille, vous voyez, que les années, ça passe vite. Et le moment le plus simple. Élever ses enfants, mettre ses enfants à l'école, prendre des trucs simples, des repas en famille, des trucs les plus simples, c'est le meilleur de la vie. Vous êtes depuis combien de temps en prison, alors vous, Juan ? Moi, je suis rentré en janvier 2008. Et vous avez pris combien d'années ? J'ai pris une peine de 21 ans et une peine de 12 ans. Vous avez quel âge, vous, Juan ? Moi, en avril, je vais faire 38 ans. Et votre femme, elle a quel âge ? 37 ans, elle va faire en mai. Vous avez combien d'enfants, vous ? J'en ai 4. J'ai le plus grand, il va faire 17 ans. J'ai ma fille, il va faire 16 ans. J'ai le troisième, il va faire 13 ans. Et la dernière, il va faire 9 ans. Ce mois-ci, le 19, voyez, c'est la plus petite, elle va faire 9 ans. Elle a été conçue en prison, elle ? Oui. Elle a été conçue à Draguignan, en maison d'arrêt de Draguignan. Et depuis que vous êtes rentrée en prison ? Votre femme, elle vient en permanence avec vos enfants ? Ah oui, il m'a jamais manqué un parloir, oui. Et pour ça, j'ai rien à dire, mais j'ai même manqué un parloir. Après, souvent, ils viennent seuls, des fois, les enfants, vous voyez, on est obligé de se voir tout seul, des fois, on se retrouve un peu, vous voyez. Oui, heureusement. D'accord. Non, c'est pas un arrêt au kebab parce qu'on s'en va. En ressortant. À 11h30. Ça va, si tu as rentré un peu plus vite, on va passer. Allez, bébé. Il est 17. Ça va, ils vont pas supporter pour 2 minutes. Lui, il est déjà dans la cour ? Ouais, il est déjà devant. Ah, lui, le garde à vous. Quand tu sais qu'on sort du train. Ah, ça y est. Bonjour. Madame Gomez pour l'IVF. Ouais. Je donne les livres de famille. Elle avec la gentillesse. Gentillesse, mais vite, s'il vous plaît, là. Mes orteils, les derniers, je les sens plus. Je te jure. Moi, j'ai mal aux pieds. Ah, je les sens plus. Quand je suis à l'hiver, moi, c'est comme je suis à la maison, je suis plus en prison, hein. Madame, je suis dehors. Ouais. Donc, c'est comme une permission pour moi. On ne se sent pas en prison, vous voyez, madame. C'est... Même s'il y a les grillages au-dessus. Même qu'il y a les grillages, vous voyez, c'est vraiment en dedans de nous qu'on est ici en prison. Mais. C'est comme une permission, vous voyez, madame. C'est la vie, ça se réveille avec votre femme à côté, vous voyez, madame, c'est la vie, c'est normalement, ça commence à tous les jours, normalement. Ça m'était si donc c'est la clé, tu commences. Non, il y a tellement de lignes à clé ici. Tu les cherches. Je sais pas moi. Ah oui, j'ai vu sur mon côté. Moi j'ai appuyé, c'est 9 mois. Voilà, merci. Merci. Il était temps, en feu. Ouais. Mesdames. Vous êtes déjà venu ou disons. Ok, vous n'êtes pas. Moi je vous mets un sac. On met tout dedans. Vous mettez tout dedans. Le portable, vous laissez ici, tout vous laissez ici. Vous êtes combien? 1, 2, 3. Oui, la quoi Dieu? Oui, la famille Gomez vient d'arriver. Dis monsieur, patiente, on arrive après, ok? À l'issue. Ok? On fait un contrôle. Ouais, c'est bien ça. C'est bon. Ok? Vous avez voulu faire un sac de sac? Non, un seul. C'est ok, c'est bon. Il n'y a pas grand chose. Ok, ça marche. Juste ça, est-ce que les plaques à marche, est-ce qu'elle peut les rentrer les plaques ou pas? C'est pour les cheveux. J'ai un journaux là-bas. Faut des vrais journaux. Ah bon? Oui. Des plaques? Non, mais ils ont les chez soi. Ouais, parce que bien caché alors, hein, parce qu'on les a pas vus. Hein. Ça, c'est. Bon. La brosse, les shampoings, un petit prince. C'est vous, Marie? Ok. Et vous, Isabelle? Ok. Je vous rends ça. Comment c'est fait? Ça, regardez. C'est le fond de tour. Voilà. C'est bien 72 heures, vous savez. Ok, c'est bon. Ah, mon portable! Bienvenue! Ça, c'est toujours pareil, un trou de toilette, un peignoir, des claquettes. Non, mais nous regarde, nous regarde. Regardez, il y a pas. Ok, fais-moi. Numéro 1. C'est le moment que je viens me parler. Là. Le moment que je suis là-bas, au 3. Moi, il m'a toujours côté parking, ouais, le premier où c'est tout fermé. Tout ça. Ouais. Il y a 8. Si vous voulez, sur le temps que vous allez chercher les. C'est pour toi, après midi, si c'est bon, ok? Non, moi, le temps que vous allez chercher la famille, oui. je contrôle. Moi. Ok, pas de problème. Okay. Au moins, la famille reste pas enfermée longtemps, okay. Vous voyez là-bas. Ok, c'est bon. D'accord. Ça m'est arrivé à d'autres UVF de rentrer des couvertures, des draps de dehors, toutes nos choses, vous voyez, madame? L'odeur de la maison, ouais, l'hygiène, tout, vous voyez, madame? L'odeur de la maison, ça doit manquer. Oh là là, moi je me rappelle quand j'étais bon ici comme le linge, je ne le sors plus, je ne rentre plus. À part quand ils m'achètent de temps en temps mon linge, je me suis dit, on a la machine dans la ville. Oui, quand je continue bon dosette, ils sentent bon pourtant. Mais c'est pas pareil comme à l'époque, comme dans ta maison d'arrêt, quand on sortait le linge toutes les semaines que nous rentrions, et on ouvrait, on mettait la tête dedans, madame. On sentait la maison. Oui. Ça, la maison chez nous, et juste sentir cette odeur. Pourtant, c'est rien, c'est du linge propre. Hein. Ça nous. Non, mais c'est ça. Ah, oui, tu te mets pas par terre. Compris. C'est trop dur maintenant. Dans ça. J'arrive pas. C'est ça. Tes chaussures, elles sont sales, Marie. Moi? Oui. Toi. Oh, c'est pas grave, c'est du noir. Eh ben non, c'est pas dur. J'ai tout de nouveau sur moi. Mets-toi debout, non. Attends. Mais fais voir. Mais... Même les cheveux, là, ça me plaît pas, viens là. Non, c'est pas grave. Viens ici. C'est pas grave. Je t'appelle tes cheveux. Vite fait. C'est quoi ça? Je te fais tout bien. Seulement, pourquoi j'ai pas pris mes boucles d'oreilles? Parce que sur ma tête, quand je vois la tête, j'ai pas la tête à ça. Et aussi, on m'a les devoirs. Mais non, mais les trucs, la pochette violette. Bah pendant les vacances. Mais non, parce que papa il est pas là. Papa, il fallait. Papa, il. Ah, il devait se mouiller. Ouais. Après d'en parler, papa, il. Pourquoi? Là, ça devient long quand même. Ah oh, ouais, oh. Là. Sans les familles, on deviendrait fou. On se rajouterait souvent des peines en plus. Vous voyez, souvent, hein, madame. Souvent, on ne sort plus. On dit adieu à la famille, on vit ici, on reste ici, on meurt ici. Ça m'a l'air de lire un peu la Bible, de temps en temps, je lis la Bible, vous voyez. Et... Vous êtes très croyant? Oui, je suis croyant, quand même. Du côté de ma mère, j'ai ses frères, j'ai le neveu de ma mère, mes cousins, c'est des pasteurs, ils ont leur église, vous voyez. Oui, on était croyant. Allez, c'était bien, j'ai récupéré mon calendrier. Vous voyez qu'on arrache les pages qui viennent inversées à chaque page. Et quand on le voit plat, après, parce qu'il est épais, vous voyez le calendrier. Après, quand on le voit comme ça, on dit, oh, oui, ça a passé vite. Un an au moins. Coca, deux, c'est moi. Haute source. Haute source, huit. Jus de pomme. Jus d'orange. Pain au chocolat. Pain au chocolat, c'est un paquet. Deux, ouais. Nutella. Ah, voilà. Là. Choco BM. C'est un deux, il y en a mort. Pain hamburger. Fois deux. Oui, c'est un noir. Tortilla. Ah, chips. Un point, il faut tout pour cuisiner, je prends beaucoup, mais en plus des fois, madame, j'ai peur qu'il manque quelque chose pour les enfants. Après, on est renfermé ici. Oui, on peut pas, comment on fait? Le beurrier, ouais, le fromage. Oui. Lardon. Ouais, c'est là. Ouais, c'est là. Et des œufs. Ah, les œufs, ah, c'est impeccable, il y a tout. La pilon de poulet, viande hachée, nature. Qu'est-ce que c'est votre tatouage? Ah, j'étais jeune, ça, vous voyez, madame. J'étais jeune, j'avais 15 ans. Voilà, j'en ai là, j'en ai partout, vous voyez. C'était trois chemins des voyous, ça. Oui. On a grandi dans le quartier nord, à Marseille. Et on est tombé jeune dedans. Oui, il y a 12-13 ans, moi, je dormais en garde à vue déjà, des nuits entières. Oui. On n'a pas eu le choix, on a grandi comme ça. Et il fallait bien se démerder, vous voyez, madame. Vous aviez déjà fait de la prison avant? Oui. J'étais rentré mineur pour trafic stupéfiant. Oui, j'avais 17 ans. J'avais pris un an. J'avais fait mes 18 ans en prison. Oh, j'étais sorti, j'avais plus rien touché. J'avais connu ma femme. Après, moi, j'avais un coup dur. Voilà, après, il y a tout qui s'est enchaîné derrière. Oui. C'est normal qu'il y ait des voitures ici? Ben ouais. Ah là, on va voir mon père. Pardon? On était coupés du monde. C'est ça, c'est bien. C'est du bien. La marraine. Ça. Mais tu jettes un verre par terre. Tu vas jusqu'à la pierre, tu vas aller retour. Des poussées bleues, oui, c'est super déjà. C'est. C'est joli. On ne va pas expliquer après ces choses, ouais, ça va tout seul. Hein. On était jeunes, vous voyez. On habitait des quartiers à côté. Ouais. C'était une copine à moi, vous voyez. Et voilà, ça se fait tout seul. Vous vous souvenez comment vous l'avez présenté à vos parents? Non, je ne me souviens pas. C'est un cousin à moi, vous voyez, qui est la femme de mon cousin, qui l'a ramené chez moi. Sinon, moi, de même, jamais je me permettrais d'amener une femme à la maison, vous voyez, tant que je ne suis pas marié, tout ça. La maman, nous, n'amène pas les copines chez nous, rien du tout. La seule copine qui rentre, c'est après, c'est elle doit devenir notre femme, vous voyez, normalement. Nous, chez nous, on fait comme ça. C'est pas facile. Ouais, le mari a pris 30 ans de prison. Il a sur 4 gamins. Et elle est encore là, vous comprenez, madame. Vous avez eu le dernier enfant en prison, mais comment ça se fait? Vous en avez eu envie d'un autre? Non, moi je voulais pas. Hein. Non, je ne voulais pas, j'avais beaucoup d'années de prison à faire, oui. Après, elle est tombée enceinte et elle a voulu le garder, vous voyez, c'est là que j'ai compris qu'elle voulait me suivre, vous voyez, dans ma peine. Et aujourd'hui, c'est génial d'en avoir 4. Ah oui, c'est ma petite Isabelle, la dernière, oui. Attends, celui-là va consommer. Et le temps, il te l'a ramené? Il m'a dit d'appeler, s'occuper, il va le ramener. Et du coup, vous êtes mariés rapidement? Oui, on s'est mis ensemble, après j'ai eu un enfant, vous voyez, mon fils est plus grand, là, André. Il est quel âge? En mai, il va faire 17 ans. Oui, c'est un petit homme déjà, c'est un grand, mais... Il est grand? Oui, il est grand, plus grand que moi, plus costaud que moi. Vous vous souvenez du premier UVF que vous avez eu? Oui, c'était à Rio en 2012. C'est venu ma femme et les 3-4 enfants. Et c'était le premier, j'avais que 6 heures. Et c'était vite passé. Vous voyez, madame, c'est comme si c'est passé une heure ou deux, en vrai, c'était passé 6 heures. Ouais, on n'a pas vu le temps passer. On profite un peu plus de notre famille. Vous voyez, c'est plus humain, ça renforce un peu plus les liens. Vous voyez, c'est. Il y a d'autres mots aussi, vous voyez, mais je sais pas. En fait, j'ai une société, on joue à la play, vous voyez. C'est la vie, elle reprend, hein, la vie, c'est notre famille, vous voyez, madame, c'est. On parle beaucoup. Il faut qu'ils travaillent bien à l'école, qu'ils doivent écouter leur mère, vous voyez, qui. Même d'ici, on est enfermé, vous voyez, on peut pas trop rien faire, mais. On n'est pas mort, vous voyez, on peut parler, on discuter, là, faire comprendre, on n'est pas mort encore. Salut, on est là et on va sortir, vous voyez. Surveillant hiver pour un surveillant PCI, merci. PCI à l'écoute. Ouais. Tu peux dire à la famille Gomez, on arrive pour le pain. Merci. Ok, c'est reçu. Toujours avisé. Quand on fait un mouvement, toujours avisé la famille. Pour dire qu'on arrive, on ne sait pas. Hein. S'ils sont du... Bon, là, ils sont des enfants, mais si c'est un couple, on ne peut pas arriver. Débutement sur eux, quoi. On est en prison, on est privé de liberté. Oui, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas privé de nos liens, de nos familles, de. Oh, on est. D'être un homme. On est des hommes, on est des êtres humains, comprenez. On a besoin de. Un peu d'intimité, notre femme, profiter de nos familles, vous comprenez, heureusement. Mais justement, les relations sexuelles, c'était très hypocrite parce qu'avant, elles existaient dans les parloirs. Et ils ont toujours existé. Moi, j'ai des cousins, ils ont 30 ans, 40 ans, maintenant c'est des bébés parloirs. Moi, un exemple, j'ai ma fille, c'est un bébé parloir, comprenez, madame. On fait comment? C'est pas plus humain de faire des UVF quand même. Nous, pour les hommes, on va dire on s'en fout, mais nos femmes, oh, c'est. On s'en fout, nous, genre, je veux dire, de le faire d'un parloir, ouais, ouais, madame. Mais pour une femme, quand même, c'est. Je sais pas comment vous dire. Pour nous, c'est beaucoup plus facile, on s'en fout. Ouais. On s'en fout façon de parler. Oui, je... Mais pour une femme, vous comprenez? C'est comme si elle manque de respect, maman, envers la femme. Maman, on ne fait pas, mais comment on fait? Comprenez, madame? Sinon, c'est pour ça qu'heureusement qu'il y a les UVF, les parloirs familiaux. Aussi, ça compte beaucoup. Mm-hmm. Parce que. Je ne sais pas comment dire, ça n'est pas des êtres humains faire ça. C'est... La maman, comprenez, c'est pas humain. Ou sinon, je ne sais pas comment dire, s'il n'y a plus rien, ils s'en vont, les femmes. Après, on peut dire, ce qu'on peut dire, c'est la vie, fait les choses comme ça, comprenez. S'il n'y a pas de. Il n'y a rien, les femmes, ils s'en vont. À l'aise. Après, on fait les billets, on fait tout, on prépare tout. C'est chez vous. Je sais pas, c'est la vie. La vie, elle continue. Il faut que je me sente. Et moi, mes enfants, là après, je vais dans la salle de bain, je mets tous les produits et tout. Ah ouais, moi, je prépare tout. Il faut que ça soit chez moi. Voilà. Il faut que ça soit chez nous, qu'on fasse comme si on était à la maison. Voilà. Après, il n'y a que quand on entend, et encore, ils ne viennent pas souvent, on entend pour qu'ils nous amènent le pain, les clés, ou voilà, être comme ça. Tu te dis, non, mais c'est vrai, on est dans la prison. Mais le soir et tout, le jour, le matin, on se lève, on déjeune tous ensemble, le midi, on fait manger tous ensemble, on mange tous ensemble, on fait le ménage tous ensemble. Ah, c'est ensemble. Alors, on regarde la télé, on est une fois ou deux fois, ça nous est arrivé, on avait les quatre. Et ils avaient regardé les surveillants et tout par la fenêtre. Ils étaient choqués, ils voyaient toutes ces têtes. Là, on était six sur le fauteuil, le clic-clac. On était tous les six l'un sur l'autre, et en train de regarder la télé et tout. Ils ont ouvert et tout, ils ont dit, oh, c'est trop beau. Parce que c'est notre vie, ça, on est unis, nous on est unis. Voilà, notre famille, elle est comme ça. Mais après, moi, j'aime bien tout ça, là. J'aime bien... Quoi? J'aime bien lui plaire et tout. Oui, bah oui, obligé, c'est mon mari. Normal. Donc là, vous vous installez? Ah, moi, je mets tout dans l'armoire. Comme ça, ma fille, quand elle va se laver, elle prend ses trucs. Pas besoin de m'appeler tous les 5 minutes. Elle a son... Comme à la maison. Elle a son truc et c'est bon. Moi, pareil. Mon mari, pareil. Et voilà. Comment vous l'avez rencontrée, vous, Laetitia? Ben moi, j'étais la petite fille, travail, école. Et lui, c'était un collègue de ma copine. Vous aviez quel âge quand vous l'avez 18 ans. Oui, et je me suis mariée de suite avec. En un an, j'ai eu mon fils. Qu'est-ce qui vous plaisait chez lui? Ben, je sais pas. S'il était fait pour moi, tout simplement. Voilà. Après, ça a été quelqu'un. Ben, après, lui, il vivait, c'était pas le même domaine que moi. Moi, j'étais petite fille sage et tout, l'école, travail et tout. Lui, c'était plus enfant de la rue et tout, mais toujours respectueux, toujours droit, carré. Pas de manque de respect, toujours. Et ça, il a toujours été jusqu'à maintenant. Il est carré, mais c'est un truc de fou. Voilà. Il aime tout ce qui est propre et tout ce qui est à sa manière, lui. Voilà. Et vous avez passé combien de temps avec lui sans qu'il soit en prison? En fuite, 5 ans. En cavale. Et après, on s'est mariés en prison et tout, nous. Hein. Le 20 mai 2010, on s'est mariés. Et j'ai eu ma fille en février 2010, Isabelle la dernière. C'est marié à la prison de Draguignan. Il a l'alliance la même que la mienne à son doigt. Si vous la regardez. Hein. Vous avez fait rentrer les témoins du coup dans le... Son père et sa mère, parce que c'était les seuls qui avaient le parloir. Donc son père et sa mère, on a eu, ils ont été témoins. Et vous avez eu un UVF après? Non, on a eu un parloir d'une heure. Après, on n'a plus de... pas de photos. Voilà. Ben, je m'en fous, moi. Faudra se remarier. Ah, mais oui, je lui ai dit, quand tu sors, on se remarie. Voilà. Au moins, je ferai la fête. Toute la famille, vous voyez, madame. C'est... Oui, c'est ce qui nous manque beaucoup, sinon... On est comme des robots, ici, vous voyez, madame, comme des robots. On ne se rend plus compte du temps qui passe. Les jours se répètent, vous voyez, c'est toujours les mêmes. Qu'est-ce qu'on fait justement pour pas devenir fou? On s'accroche aux UVF, on s'accroche au sport, on fait quoi? Il faut un petit boulot primordial, vous voyez, un petit travail, un peu de sport. Et le plus grand bien qu'il peut avoir un détenu, c'est sa famille. Vous voyez, un lien avec la famille. Voilà, madame, ça c'est le plus grand bien qu'il peut avoir. Vous perdez? Ah, on a pris le train, on est arrivé, il est 6h15, 6h10. Au train, on a attendu jusqu'à 6h24, on a pris le train, on est arrivé ici, on est arrivé. Après, on a pris le train. Pas de retard, pas de. Pas pour une fois, non, mais. Retard, tout le train, ouais. La dernière fois, on a mis combien? 3 heures de retard, il y avait. En train de se geler, les petits et tout. Ça finira un jour, bientôt. Mais tu savais, papa, comment ça passe après la vie? C'était les unités de vie familiale avec monsieur, madame Gomez et leurs enfants, les surveillants de la centrale de Poissy. Merci à l'administration pénitentiaire et à toute l'équipe de la centrale de Poissy. Merci à Lina et à Sabine Dahuron pour les archives. Coordination Christine Bernard, mixage Cédric Châtelut, un documentaire de Johanna Bedeau et Angélique Thibault. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous mènerons l'enquête avec le plus célèbre des inspecteurs de police. Mais c'est une autre histoire.